Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et parler langue française, dont voici les principaux titres. 22 filles et femmes à partenaires multiples ont été arrêtées ce lundi par la police et sont détenues au cachot de la police de la protection des mœurs. Des explications, c'est dans ce journal. Des cultivateurs de tomates et oignons de la province Chibitoke ont mal accueilli la mesure du gouvernement leur interdisant de vendre leurs produits champêtres dans les pays voisins. Ces agriculteurs lui demande de sursoir à sa décision. Et sur la page de sécurité, 4 personnes ont été tuées la nuit dernière à la colline Karamba de la commune Buhiga. Nous sommes en province Karusi. Elles ont péri dans une attaque à la grenade. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, 22 filles et femmes à partenaires multiples ont été arrêtées ce lundi par la police et sont détenues au cachot de la police de protection des mœurs. Le maire de la ville de Bujumbura indique que ce n'est qu'en début. Cette activité continuera pour épurer la ville de Bujumbura des personnes qui enfreignent aux mœurs. Freddy Monima indique qu'elles seront infligées d'amendes avant d'être envoyées à leur commune d'origine. Célestin Blaise Ndirokoboayo nous fait le point. Ces filles et femmes à plusieurs partenaires ont été arrêtées la nuit depuis la semaine dernière, étant au centre-ville de Bujumbura. Sans crainte, elles acceptent qu'elles font la prostitution pour pouvoir élever ses frères et sœurs, comme celle-ci qui a requis l'anonymat l'exprime. J'étais dans l'allée, j'étais en train de chercher la vie. Tu cherchais la vie comment? On m'a accusé que je suis métis femme. Mais c'est oui, je suis orpheline de père et de mère. Je n'ai personne qui peut m'aider. Je vais payer la maison, je vais payer l'école pour mes petites sœurs. Et moi aussi, je suis encore au bas de l'école. Cependant, elle déplore le fait que, pendant leur arrestation, certaines d'entre elles ont été relâchées après avoir payé une rançon. Ces filles et femmes demandent alors de petits capitaux qui leur permettront d'exercer les petites activités génératrices de revenus afin d'abandonner cette prostitution. De son côté, le maire de la ville de Bujumbura, qui venait de leur prodiguer des conseils, fait savoir qu'elles vont être envoyées chez elles à l'intérieur du pays après avoir payé les amendes. Dans le code pénal, il y a des articles qui punissent sérieusement et qui décourage ce genre d'activité, notamment le racolage sur la voie publique. C'est ce qu'elles font, les infractions de prostitution sur les bonnes mœurs, ainsi que le proxénétisme. Donc nous pensons que nous allons continuer à décourager ce genre d'activité. Ces femmes et filles ont l'âge entre 20 ans et 35 ans. Ça veut dire que ces femmes peuvent être utiles à leur nation, peuvent retourner chez eux, cultiver comme les autres Burundaises, pour le développement de leur entité et de leur foyer. Freddy Mbonima avertit aussi les propriétaires des maisons de prostitution considérées comme les hôtels qu'elles vont être fermées. Et enfin, je voulais lancer un appel. Il y a des maisons de débauche. Donc ces maisons, on les a déjà identifiées. Nous allons les fermer parce que c'est le proxénétisme et cela est puni par la loi. Le maire de la ville de Bujumbura a ajouté que celle qui sera arrêtée encore une fois après avoir été libérée sera alors emprisonnée. Merci à Blaise Célestin Dirokubuayo. Des cultivateurs de tomates et oignons de la province Chibitoke ont mal accueilli la mesure du gouvernement leur interdisant de vendre leurs produits champêtres dans des pays voisins. Ils déplorent que leurs cultures sont en train de pourrir dans les champs parce qu'ils n'ont pas de marché sur place et ne voient pas comment ils vont rembourser les crédits qu'ils avaient contractés. Ces agriculteurs demandent au gouvernement de sursoir à sa décision. Suivez ces agriculteurs que la radio Isanganiro a tendu le micro. mugihugu kibanye cyo Rwanda niho ibintu byacu byo O Rwanda pays voisin c'est là où nous vendons nos marchandises. Maintenant nous allons mourir de faim, les tomates vont pourrir dans les champs, nous ne récoltons plus. Nous demandons au gouvernement d'abandonner la mesure pour que nous puissions vendre nos marchandises au Rwanda parce que nous voulons vivre sainement. Par exemple, moi j'ai des aubergines dans les champs et ils vont pourrir là-bas. J'étais obligé de les cueillir hier, mais je ne pouvais pas parce que je n'ai pas de marché. Le sac qui était à 12 000 francs, maintenant c'est 2 000 francs. Je n'ai plus rien à dire. Les enfants ont faim. Ils n'ont rien à manger. Je me disais que je vendrais ailleurs pour acheter le haricot et le maïs parce que je n'avais pas d'autre choix. Nous empruntons des dettes pour cultiver les champs. Quand l'année scolaire débutera, comment les enfants iront à l'école? D'où proviendront les cahiers et les uniformes? Avant d'arriver jusque-là, les enfants ne supporteront pas la faim. Certains seront déjà morts. Si nous vendons au Congo ou ailleurs, cela nous aide à avoir le capital pour continuer à travailler. Il faut que le gouvernement nous aide à ce que cette mesure a été prise précipitamment sans tenir compte de notre récolte. Celle-ci est aujourd'hui en état de pourrissement. Au marché, nous passons toute la journée sans rien faire. Nos enfants passent tout le temps à la maison sans rien à manger. Fermer les frontières, c'est trop. Les Rwandais venaient prendre des produits ici et on pouvait avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun produit qui passe, pas même un kilo de farine ou de riz. Toujours par rapport aux relations entre le Burundi et le Rwanda, les déplacements des populations au poste de douane et de Kanyaruhu ont été sérieusement perturbés depuis la mesure interdisant certaines marchandises et véhicules des agences de transport en commun de traverser la frontière burundo-rwandaise. Certains commerçants burundais disent être les premiers perdants car les produits rwandais ne cessent d'entrer au Burundi au moment où les leurs ne traversent pas la frontière. Les détails avec Apollinaire Muzagara, dépêché à la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Les camions transportant diverses marchandises entrant au Burundi font de queue à la Kanyaruhu au moment où ces derniers font défaut du côté Burundi. Bon nombre de ces véhicules de transport de marchandises sont d'immatriculation ougandaise. Aussi, sur cette frontière du côté burundais, aucun véhicule des agences de transport en commun ne s'y trouvait cet avant-midi. Beaucoup sont ces voitures dites Probox qui acheminent les passagers du chef-lieu de la province Kayanza à la frontière de la Kanyaruhu. Les conducteurs de ces voitures indiquent qu'ils ont d'un côté gagné car les passagers sont devenus nombreux depuis la décision d'interdire ces véhicules des agences de traverser la frontière. De l'autre côté, ces chauffeurs disent qu'ils perdent suite à la mesure interdisant certains produits alimentaires burundais de traverser la frontière, arguant qu'ils ne trouvent plus de sacs de marchandises à transporter de Kayanza à la Kanyaruhu. Les mêmes grognes sont constatées aussi du côté de petits commerçants burundais frontaliers de la Kanyaruhu. Ils déplorent aussi que leurs produits ne sortent plus alors que ceux en provenance du Rwanda ne cessent d'entrer au Burundi. On saurait que de bons véhicules de marque J qui amènent les enfants burundais à l'école rwandaise, ougandaise ou kenyane se comptent en termes de dizaines à cette frontière burundo-rwandaise. À la frontière burundo-rwandaise de la Kanyaruhu, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara. Sur la page sécurité, 4 personnes dont une mère et ses 4 enfants ont perdu la vie la nuit dernière suite à une grenade lancée dans leur maison. C'est sur la colline Kalamba de la commune Ebuhiga en province Karusi. La police dans cette commune dit avoir commencé les enquêtes pour identifier l'auteur de ce massacre. Les détails avec Blaise Pascal Kararumi. Agricole Vanderembako est le chef de famille qui est mort dans la nuit de ce dimanche, tué par une grenade avec ses 3 enfants à la colline Karamba de la commune Ebuhiga dans la province de Karusi. Le chef de colline indique que cette grenade a été lancée dans la maison vers 20h30 et a surpris cette famille lorsqu'elle prenait le repas de la soirée. Il indique que Vanderembako agricole est mort sur le champ De même qu'un nourrisson, les deux autres enfants sont morts après leur évacuation à l'hôpital de Vuhiga. La mère de ces enfants ainsi que deux autres enfants ont été sérieusement blessés et sont en train d'être soignés à l'hôpital de Vuhiga. Le chef de colline Karamba, Dereimana Gaspar, indique que cette famille, qui est presque décimée par ces malfaiteurs non encore connus, vivait en harmonie avec tous les voisins. Les policiers et les militaires sont arrivés à cette colline de Karamba juste après le forfait pendant la nuit et jusque dans la journée de ce mercredi, ils étaient sur place. Mais le chef de colline, Ndeyimana Gaspar, indique que les malfaiteurs ne sont pas encore connus. Il demande aux responsables de la commune de Vuhiga de déposer des funérailles de ces disparus, expliquant que la population de Karamba ne pouvait pas organiser ces funérailles elle seule. La police de Karusi affirme avoir débuté les enquêtes depuis la nuit de ce dimanche pour appréhender ces assassins. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci à Blaise Kararoumié, toujours en page de sécurité. Le journaliste Jean Biglimana du journal Iwachu et Info Grand Lac est toujours porté disparu depuis déjà 18 jours. Il a été enlevé le vendredi 22 juillet à Bougalama, en province de Mouranvia. La police nationale et le service national des renseignements disent n'avoir pas arrêté le journaliste. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a fait une descente à Mouranvia pour tenter de trouver les traces du journaliste, mais en vain. Seulement, le président de la dite commission, Jean-Baptiste Balibonekeza, est convaincu qu'il a été enlevé à Bougalama, en province de Mouranvia. C'est toujours de l'inquiétude de la part de son épouse et de sa famille en général, ainsi que du groupe de presse Iwachu, qui demande que la vie de Jean Biglimana soit préservée. Le directeur de l'hebdomadaire Iwachu reste convaincu par ailleurs que si la police nationale s'impliquait davantage et se référait sur ses enquêtes, elle pourrait savoir où se trouve le journaliste. Nul ne peut arrêter et diriger directement en prison et être dirigé en prison en lieu et place de l'auteur de l'infraction commise. Tels sont les propos de maître Fabien Segatoua, qui précise cependant qu'une telle arrestation peut être faite dans le but de vérifier si cette personne serait ou non auteur ou complice de cette infraction. Maître Segatoua donne ses clarifications après qu'un nommé Gatelagna Zuberi alias Benga ait rendu son âme à la prison centrale de Mimba ce samedi. Il avait été arrêté à Lumonge il y a peu à la place de son grand frère qui était en cavale. On l'écoute. Dans notre législation burundaise, il est interdit de pouvoir arrêter quelqu'un à la place d'un autre. Mais il arrive souvent, et les gens ne peuvent ne pas faire la différence, que le policier qui va arrêter quelqu'un puisse s'imaginer que la personne qu'il a trouvée sur le lieu et puis être complice ou conteur de l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie. Là, il peut bien l'arrêter, pouvoir l'interroger. Et s'il trouve effectivement qu'il n'est pas coupable, il doit le relâcher. Normalement, une personne ne peut pas être dirigée à la prison centrale sans être passée par le magistrat instructeur. C'est le seul magistrat qui peut envoyer quelqu'un en prison. Est-ce que cela s'est fait? Ça, je ne peux pas le savoir, mais il faut faire la différence. Toujours est-il que l'arrestation arbitraire est toujours punie par la loi. La responsabilité incombe en premier lieu de celui qui est arrêté. Mais en second lieu, ça incombe à l'État, parce que la loi dit que les actes commis par un fonctionnaire de l'État sont répercutés sur l'État en ce qui concerne le dédommagement, le dommage que cela a causé à la personne. S'agissant des personnes privées de liberté qui meurent en prison, Maître Segatoua rappelle que la santé des personnes en détention doit être sujet de préoccupations des responsables pénitentiaires. Encore une fois, on l'écoute, il est au micro d'Alain Désiré Wukeyeneza. En principe, la vie humaine doit être sauvegardée quelle que soit la situation d'une personne. Même si une personne est emprisonnée, elle doit être sauvegardée dans sa dignité et surtout dans ça. La prison n'est pas faite pour conduire à la mort, c'est plutôt pour conduire aux amendements, à une réflexion de la personne qui dit, voilà, moi j'ai péché, je ne veux plus retourner en prison, je préfère m'amender, ne plus tomber dans la même faute. Donc si quelqu'un va en prison pour mourir, eh bien la finalité de la prison n'est pas là. Et surtout, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir dans la prison, parce que lorsque quelqu'un est malade, il est du devoir du responsable du lieu de détention de le conduire dans un lieu le plus proche pour se faire soigner. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans les prisons, il y a toujours une infirmière. On ne devrait pas déplorer des gens qui meurent en prison sans avoir été conduits dans un établissement hospitalier pour recevoir les soins adéquats. Mais en ce qui concerne les cas que nous observons, surtout dans les prisons, elles peuvent être de deux sortes. Il y a des gens qui meurent, d'après ce qu'on dit, parce qu'ils ont été torturés. Là, c'est impensable, parce que personne ne peut torturer quelqu'un qui se trouve à sa disposition. Il faut vraiment diminuer les cas des gens qui meurent en prison. Ça, c'est recommandé même par le droit international. C'était Maître Fabien Segatoua. Son constat est partagé avec le directeur des affaires pénitentiaires qui affirme que les prisonniers ont droit aux soins de santé. Gervais Hajayandi l'a dit au moment où il y a des prisonniers qui meurent dans des prisons parce qu'ils ont été refusés des autorisations d'aller se faire soigner. Alors que les malades, ces malades ont des maladies chroniques. On l'écoute, il était au téléphone de Devrar Javialiman. Les prisonniers, les personnes détenues, comme toute autre personne libre, a droit au sein de santé. Donc, en ce qui concerne nos prisonniers, c'est qu'ils ont effectivement ce droit à la santé. Et le ministre de la Santé s'est engagé à aménager des dispensaires dans toutes les prisons du pays. Et le ministre de la Santé s'est engagé à nous donner à affecter des infirmiers dans ces dispensaires. Bon, ça c'est faux parce qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de détenus à qui on a refusé le droit de se faire soigner. Comme je viens de le dire, ils ont le droit de se faire soigner. Et d'ailleurs, c'est la gratuité pour tous les détenus. Tous les détenus qui sont malades étant emprisonnés, que ce soit ceux qui souffrent d'une maladie chronique ou d'une maladie ordinaire, ils ont droit de se faire soigner. Et la gratuité de ceux de santé est vraiment maximale dans nos prisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser à une personne détenue de se faire soigner quand il y a demande. La principale charge de surveiller, de voir qui est malade dans la prison, quels sont les détenus qui sont malades, bien qui ont besoin, et des soins qui ont besoin d'être traité. Le service social n'a autre charge que cela, voire à qui on voit qu'il est malade. C'est lui. Et si la maladie nécessite, comme je viens de le dire, un traitement plus spécial, il y a le médecin qui signe la demande de transfert et puis le directeur de la prison, lui, il prépare le bon dossier pour que le détenu en question soit tracé dans un hôpital qui peut lui offrir un traitement spécial. 20 bureaux de change sont fermés jusque ce lundi après-midi. Le porte-parole de la police dit que cela est fait dans le but de faire respecter le taux de change fixé par la Banque centrale. Le point avec Alain Désiré Boukéenez. Comme nous l'avons constaté l'après-midi de ce lundi, les bureaux de change situés à l'avenue de l'Amitié, aux chaussées du Prince Louis Gwagasore, devant la Sokabu, au boulevard d'Oliprona, sont fermés. La police nationale du Burundi fait savoir que 5 bureaux de change ont été fermés ce lundi. Le porte-parole de la police dit que cette fermeture est intervenue dans le but de faire respecter le taux de change fixé par la banque centrale BRB. Il ajoute que cela fait suite aux arguments des propriétaires de certains bureaux de change qui disent qu'ils n'ont pas de devises alors qu'en cachette, ils les vendent à un prix largement supérieur au taux légal. Pierre Mouriquier informe que 12 changeurs au marché noir ont été arrêtés ce lundi par la police et sont gardés à la police judiciaire. Vous saurez que jusqu'à présent, 20 bureaux de change sont fermés dans moins de 2 semaines, comme le confirme le porte-parole de la police, qui ajoute que seuls plus de 4 bureaux de change trouvés en conformité avec le taux de change fixé par la BRB restent en activité. Merci à Désiré Boukéenéza. C'est sur cet élément que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.